Check. Je suis un peu malade. Je suis enrhumé. Georgia, on my mind. Et ça me fait mal, tu sais. Oh là, c'est le carnaval. Le carnaval. Ritmo, ritmo de la noche. C'est la danse là. Asio. Hey Georgia, vas-y chante. Sing the song. J'en ai fait des chemins pour aller jusqu'à toi. Tu te l'entends.